Plus proche de chez vous sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h avec Michel et ses amis accordéonistes. Et accordéon parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. Auditrice, auditeur de Sur GFM, bonjour. Et le monde de l'accordéon est en deuil cette semaine, puisque Mademoiselle Yvette Turner, Madame Yvette Turner, vient de nous quitter à l'âge de 95 ans. Et Yvette Turner a vu le jour dans les Pyrénées à Tarbes. Yvette Turner a commencé sa carrière en 1947, mais auparavant parce qu'elle devait faire du piano. Mais malheureusement, sa maman l'a poussée à faire de l'accordéon et elle a fait de l'accordéon. Aussi, nous allons entendre le premier succès d'Yvette Turner, c'est la Marche des mineurs, et c'est de 1948. Mademoiselle Yvette Turner. Thank you. dans les années 50, Yves Etourneur a fait le Tour de France debout sur une voiture pendant 11 ans. Et voilà, c'était ça, Yves Etourneur. La la la la la la. Merci bravo, à bravo, bravo. Oui, bravo à Florent qui vient de nous interpréter un passo doble. Et maintenant, c'est Monsieur Adolphe de Prince. Thank you. Eh bien, merci. Quitter cette petite valse pour retrouver Mademoiselle Yvette Turner qui, dans les années 70, était partie à Nashville vers Charlie McCoy pour enregistrer quelques morceaux avec ce sympathique harmoniciste. Et Yvette Turner n'avait jamais fait d'avion et il avait peur de l'avion. Mais regardez le résultat, le morceau qu'elle va nous interpréter, Orange Blossom, Yvette Turner. We'll be right back. Merci à Angélique qui vient de nous interpréter la marquise du Musette. Ce dimanche matin, comme tous les dimanches, on passe la monnaie sur les 91 MHz de Sorgi FM. C'est Michel qui est en votre compagnie qui vous propose Accordéon Parade. Alors les valseurs ! Eh bien, les valseurs vont se reposer quelques minutes. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon, 9h-10h. Pour son musette sur la bande FM. Et puis ce dimanche, eh bien Michel rend hommage à Mademoiselle Yvette Horner qui vient de nous quitter à l'âge de 95 printemps. Et nous allons écouter un premier succès, un de ses premiers succès à Yvette Horner, je crois que c'était dans les années 55-56, Tonnerre, tonnerre de musette, Yvette Horner. Thank you. Après cette merveilleuse valse bien jouée, eh bien nous allons faire un charleston avec Albert Hembel. Oui, et après ce charleston, eh bien nous allons réécouter Yvette Turner qui a accompagné Boy George. Ça, c'était dans les années, 70-75. Alors, on va écouter Yvette Turner et Boy George. Good looking. So so hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up soon. You're gonna spread your tiny wings and take to the sky. But until that day, you know nothing can harm you. With mommy and daddy standing by. Your tiny wings and take to the sky. But until that day, you know nothing can harm you. So hush, I'm getting a rush. Hush. I'm getting a rush. Baby, don't you cry. Merci à Cyril Renaud de nous avoir, fait danser un cha-cha-cha. Allez, on est parti pour la valse. We'll be right back. Merci à Yvette Horner pour ce retour des hirondelles. C'est à Bilbao qu'un air de Passo est parvenu jusqu'à mes oreilles. Je n'avais jamais entendu, c'est vrai, de musique à celle-ci pareille. Aussitôt séduit, j'ai passé la nuit dans la foule chantant à tue-tête, me laissant aller, poussant des olés au rythme endiablé des castagnettes. C'est le passo du Pays Basque que l'on entend de le côté des Pyrénées. Un peu flamenque, un vrai fantasque, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'il est guyané. C'est le passo du Pays Basque que l'on entend, quel que soit l'heure, comme un credo. C'est le passo du Pays Basque, l'hymne chéri de tous les aficionados. C'est gravé dans ma mémoire. L'orchestre jouait, l'océan dansait, tout le port brillait dans la nuit noire. Mais au petit jour meurent les amours, à la fin quand l'orchestre s'arrête, il ne reste alors qu'à chanter encore sur ce tempo qu'on a dans la tête. C'est le passo du Pays Basque que l'on entend du côté des Pyrénées. Un peu flamenque, un brin fantasque, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'il est guyané. C'est le passo du Pays Basque que l'on entend, quel que soit l'heure, comme un très doux. C'est le passo du Pays Basque, l'hymne chéri de tous les aficionados. Merci à Pierre-André de nous avoir interprété le passo du Pays Basque. Et on va terminer avec une merveilleuse valse que je dédie à tous les gens, puisque bientôt c'est la Jean et c'est la valse à Jean. Et c'est Jean Ardoin à l'accordéon. valse de monsieur Émile Carrara est immortalisée par mademoiselle Lucienne Delisle. Après bien des aventures, ce dimanche matin, eh bien Michel est arrivé à faire son émission d'accordéon parade. Je suppose qu'on arrivera à se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission d'accordéon parade. Cette émission a été réalisée et présentée par Michel. Technique. Programmation. C'est tout du Michel. Alors je vous souhaite de passer une bonne semaine en triolet, un bon dimanche en triolet. Et je vous dis à bientôt et bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est Michel à votre compagnie pour une heure de détente et une heure de bonne humeur. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et sur GFM vous accompagne ce dimanche matin. Comment allez-vous, auditrice, auditeur de sur GFM? Est-ce que vous allez bien? Que vous avez bien commencé ce dimanche? Il fait beau. Et ça va être relax ce dimanche. Je vais commencer par une dédicace parce qu'on m'avait demandé pour aujourd'hui, pour Albert Bochard à Faverges, à 10h10, un morceau ancien, c'est-à-dire par exemple, allez, Étoile de neige par Marius et Marinette. Et bien oui, voilà, c'est 10h bientôt 15. Et puis Michel n'a toujours pas programmé la dédicace. Alors Michel. Alors on va souhaiter un bon anniversaire à Albert Bochard à Faverges de la part de ses enfants, de ses sœurs et frères, de toute la famille, de ses amis. Alors Albert, on vous souhaite une bonne journée, un bon anniversaire et puis ma foi, pour vous tout seul, on va écouter Étoile des neiges par Marius et Marinette. C'est tout nouveau, écoutez comme c'est beau. Et puis encore une fois, bon anniversaire et bonne journée. Bon anniversaire et bonne journée à vous, Albert. Dans les rues tranquilles de la grande ville, nous marchons main dans la main. Nous sommes en vacances et l'on se balance des gens tristes et des jaloux. Les passants nous guettent, pour nous c'est la fête. Le plus joli des mois d'août. Et je dis tout simplement, on s'aime vraiment. L'amour qui commence a toutes les chances. Je veux t'aimer toute notre vie. L'été qui commence nous donne sa chance. Ne dis rien, on est bien assis. Passer trop vite, c'est déjà la fin du jour. Dans les rues désertes, c'est la découverte de notre premier baiser. Contre mon épaule, tes cheveux me frôlent, que j'aime ce soir d'été. Et je dis tout simplement, on s'aime vraiment. L'amour qui commence a toutes les chances. Je veux t'aimer toute notre vie. L'été qui commence nous donne sa chance. On est bien ainsi. Dans les rues tranquilles de la grande ville, nous marchons main dans la main. Nous sommes en vacances et l'on se balance. Des gens tristes et des jaloux. Les passants nous guettent, pour nous c'est la fête. Le plus joli des mois d'août. Et je dis tout simplement,

Merci à ces deux sympathiques Alsaciens qui viennent de nous faire danser le boléro. Maintenant, cette semaine plutôt, vendredi, je suis allé au concert que le Chantillon donnait à l'église de Billa. Et nous avons eu toute l'assistance à une grosse surprise, puisque nous avons écouté, par le cor des Alpes et les clarines, le Ranch des Vaches de Joseph Beauvais, que nous allons écouter dans quelques instants. Alors, c'était joli, c'était bien. Alors, si vous avez l'occasion d'aller à Vouvray ce vendredi, le cor des Alpes sera là, les clarines aussi, et écoutez ce que ça donne, comme c'est joli. Les gens ont apprécié. Un grand merci à ces deux musiciens, ces deux sympathiques musiciens qui nous ont interprété le Ranch des Vaches de Joseph Beauvais. Merci à Jean, merci à Gérard qui était au cor de chasse et Jean aux clarines. Et vous pouvez retrouver ce duo, je vous rappelle, vendredi soir à l'église de Vouvray, oui, et en même temps les Chantillonnais. Vous verrez, c'est une soirée merveilleuse à ne pas négliger. Allez, je vous souhaite bon vent, puis bonne écoute. Toujours à l'écoute des 91, des 91 MHz de Sorgé FM. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, ô toi que j'aime. Comme j'ai toujours envie de toi,

sûr d'aimer. Au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Allez, un petit coup d'accordéon. Et ce petit coup d'accordéon, c'est pour Michel et Odile à Billa, deux sympathiques auditeurs que j'ai retrouvés vendredi. Et puis nous avons parlé de radio, bien sûr, et de l'ancien temps, la radio, quand elle était à la Billa, tout ça, des souvenirs, souvenirs. Ils m'ont reconnu. Alors, pour Michel et Odile, fidèles auditrices et auditeurs de Sorgé FM, avec un grand merci à eux deux, eh bien, nous allons écouter Monsieur André Verschuren. C'est pour eux. Notre amour était si grand que tout le ciel tenais dedans. Et depuis, si quelqu'un fredonne, mon cœur s'abandonne. J'entends jouer des violons, j'entends sa chanson et sa voix qui disait, disait. Mais tu sais que tu mens. Oui, tu sais que tu mens. Oh, tu sais que tu mens. Tu mens. Oh oui, oui, oui, oui. Pas cette chanson. Arrête, arrête. Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mais tu sais que tu mens. Pas cette chanson. Pas cette chanson. Oh, je t'en prie, arrête, oui. Mais tu sais que tu mens. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Parmi les catins et le pur gratin des pierreuses. Près des abattoirs où l'on voit le soir, le long des trottoirs, surgir des coins noirs, les rôdeuses. C'est là que j'ai vu le jour et c'est pas du four, je suis gosse de l'amour et je serai toujours une pauvreuse. Et c'est là que je pars un soir de mai, donner ce que l'on sait, ne jamais retrouver dans les cas. La Villette, c'est le coin des Garneaux, y'a pas d'aristos. Des guinguettes, des musettes et des petits bistrots où l'on boit du gros. On n'y joue pas du violon, tout comme dans les salons, oui mais de l'accordéon, c'est bien plus chouette. Et on y danse la java bien tirée dans les bras d'un petit homme bien à soi, la Villette. C'est au but de Chaumont, par un soir tout blond, sur le petit pont, j'ai rencontré mon vrai petit homme. Dès le premier regard, j'ai senti son char comme un coup de poignard et mon cœur planchard à la gomme. Lui qui a senti le coup, il s'est fait très doux et m'a dit dans le cou qu'il sentait du goût pour ma pomme. J'ai pas surfusé et l'on s'est marié sans mère ni curé et sans inviter tout le quartier. La Villette, c'est le coin des Garneaux, y'a pas d'aristos. Des guinguettes, des musettes et des petits bistrots, l'on boit du gros. On n'y joue pas du violon, tout comme dans les salons, oui mais de l'accordéon, c'est bien plus chouette. Et l'on y danse, ça va bien tirer dans les bras d'un petit homme bien à soi, à la Villette. Eh bien oui, nous étions à la Villette avec Mademoiselle Arletty. Maintenant, nous allons écouter un des premiers succès de Paolo Conte, un succès qu'il a fait connaître en France. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Si il aime la neige et les enfants, si il aime le silence et le vent, un peu comme je pense, c'est gagné d'avance. L'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique qui joue fort, c'est même encore un peu plus fort. S'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, s'il a dans la tête une certaine idée du bonheur. Moi qui aime Rimbaud et John Lennon, si il est un peu comme je suis, moi pour toute la vie, l'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique qui joue fort, s'il m'aime encore un peu plus fort. Joue fort, c'est même encore un peu plus fort.

bon dimanche, bonne semaine. Merci d'avoir été avec moi ce dimanche et à bientôt peut-être sur les 91 91 MHz de Sourgie FM. Bye bye.